بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى. قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة، متقشفا محترقا بالعبادة، صاحب هوى، فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. تقريبا المعنى français, le sens approché. Et lorsque tu vois quelqu'un qui est ardent dans l'adoration, ou taqashifan, taqashuf à peu près c'est l'abstinence, quelqu'un qui s'abstient, ça rejoint un petit peu zuhd, qui s'abstient, muhtariqan bil ibada, quelqu'un qui est fatigué suite à l'adoration, quelqu'un qui est tout le temps en adoration, très attaché à l'adoration, mais c'est un adepte de la passion, de l'innovation. Ne t'assois pas avec lui, n'écoute pas ses paroles, et ne marche pas avec lui dans la rue, car je ne te ressens pas à l'abri quant au fait que tu commences à considérer son chemin comme étant bon, et tu vas être voué à la perdition comme il l'a été lui-même. Al-Sharh. قال العلام الفوزان حفظه الله: فلا تغتر بكون المبتدع يظهر التنسك والعبادة والزهد والتقشف. Il dit, que veut dire les paroles de l'auteur? Ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas tromper. تغتر من الغرور. Le fait que l'innovateur il fait apparaître التنسك. تنسك من الأنساك. التعبد. تنسك والتعبد. تنسك والعبادة. Quelqu'un qui fait apparaître l'adoration, il fait apparaître zuhd, l'abstinence. Yani, c'est quelqu'un qui est très carré dans ce qu'il fait. Il ne perd pas son temps. Il s'abstient de beaucoup de choses qui lui seraient licites, etc. Wa yusalli bil-layl ma dama annahu 'indahu hawan wa bid'atun fala tatasahal fihi. Quelqu'un qui prie la nuit, mais c'est un adepte de la passion, de l'innovation. Ne te laisse pas aller avec lui. Ne sois pas négligent à son égard. Ibta'id anhu ghayat al-ibti'ad. Éloigne-toi de lui. Wa kama qala ba'd as-salaf, iqtisadun fi sunnatin khayrun min ijtihadin fi bid'ah. Par rapporté de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui l'a dit: le fait de se limiter à la sunna est meilleur que le fait d'être quelqu'un qui fournit des efforts dans l'innovation. Qawluhu wa la tamshi ma'ahu fi tariq. L'auteur rahimahullah dit: ne marche pas avec lui dans la rue. هذا عطف على ما سبق من التحذير من مصاحبة المبتدعة ومجالسة المبتدعة. C'est un ajout. عطف على ما سبق. C'est un ajout quant au fait que c'est une mise en garde. تحذير من مصاحبة المبتدعة. Le fait de prendre comme compagnon des innovateurs, de s'asseoir avec les innovateurs. والرسول حذر من هذا. Le messager, il a mis en garde à ce propos-là. قال إياكم ومحدثات الأمور. Il a dit attention aux nouveautés. هذا الحديث العرباط في السنن في بعض السنن. الحديث هذا إياكم محدثات الأمور. حديث numéro 28 في الأربعين النووية. Normalement, vous devriez tous le connaître parce que le Cheikh il le cite très très souvent. إياكم هذا تحذير. إياكم faites attention, c'est une mise en garde. وقال شر الأمور محدثاتها. Les pires des choses sont les nouveautés. فالبدعة شر من المعصية. Comme on l'a vu plusieurs fois, l'innovation elle est plus grave, elle est plus mauvaise que le simple péché. L'innovateur, il est pire que le pécheur. Il faut prendre ça en considération. Ne marche pas avec lui dans le chemin. Pourquoi? Parce qu'il va faire effet sur toi. Tu ne vas pas être épargné. Il va faire effet sur toi. Il va faire des effets sur toi. Il va laisser des séquelles. Et il va t'introduire ou te faire introduire dans l'innovation. Surtout du fait que tu dois sans doute penser du bien de cette personne, puisque tu marches avec lui. Pourquoi? Tu risques de te laisser tromper par le fait que c'est quelqu'un qui est constamment en adoration, quelqu'un qui s'abstient de beaucoup de choses qui lui seraient licites, etc. فَتَسْرِي عَلَيْكَ بِدْعَتُهُ. تَسْرِي عَلَيْكَ, yani l'innovation, elle va تَسْرِي مِنَ السَّرَيَانِ, elle va s'appliquer sur toi. تَسْرِي عَلَيْكَ بِدْعَتُهُ, c'est que l'innovation, elle va s'appliquer également sur toi. Comme elle s'appliquait sur lui, elle va s'appliquer sur toi. Donc ceci est très dangereux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caractérisé Al-Jalis al-Salih dans le hadith fil Sahihain, hadith Abi Moussa, il a caractérisé le bon compagnon et le mauvais compagnon. Jalis al-Salih, celui avec qui tu restes et qui est bien, bi-ba'i' al-misk, il l'a comparé à quelqu'un qui vend du musc. Fa'imma an yu'tiyaka min miskih. Dans le hadith, fa'imma an yuhdiyak. Yuhdiyak, yani yu'tik. Soit il te donne du musc, wa'imma an tabta'a minh, wa'imma an tashtariya minh. Tabta'a minh, ça veut dire que tu achètes de lui. Wa'imma an tashtariya minh. Ou alors, tu achètes. Il vend du musc, tu vas en acheter. Ou imma an tajida minhu raihatan tayyiba ma dumta jalisan indahu. Ou bien au pire des cas, ou bien au minimum, tu vas au moins sentir de lui une bonne odeur, parce qu'il y a du musc à côté de lui. Quand tu restes en compagnie de ce type de personne, au moins tu sens une bonne odeur. Illam tahsul minhu ala shay'in la bil hibati wa la bil bay'. Yani s'il ne te donne pas ou il ne te vend pas, au moins tu vas sentir de lui une bonne odeur. فإنك تجد رائحة المسك وأنت جالس عنده أما جليس السوء فهو كنافخ الكير. Par contre, le mauvais compagnon, il est comme نافخ الكير, comme le forgeron. إما أن يحرق ثيابك, soit il va brûler tes vêtements. وإما تجد منه رائحة خبيثة, ou alors, يعني au minimum, إذا نجوت منه تجد منه رائحة كريهة, tu vas sentir de lui une mauvaise odeur, c'est le minimum. قال الشيخ وفقه الله الشيخ الفوزان وهذا ينطبق على جماعة التبليغ الذين قد اغتر بهم كثير من الناس اليوم نظرا لما يظهر منهم من التعبد والتتويب العصاة كما يقولون. Il dit cette règle là, ces paroles là s'appliquent sur la jama'a qui s'appelle jama'at al-tabliq, jama'at al-da'wa wa al-tabliq, à propos desquels beaucoup de gens se sont laissés tromper aujourd'hui à cause de ce qu'ils font apparaître comme ta'abbud, comme adoration. Wa tatwib al-usat, tatwib min at-tawba. Ils font repentir les usat, les pécheurs. Kama yaqulun, comme ils disent. Wa shiddati ta'thirihim 'ala man yashabuhum. Et ce sont des gens qui ne laissent pas leurs compagnons déchus de séquelles. Ça veut dire celui qui va avec eux, il va forcément être touché quelque part. Wa law bil isharat wa law bil kalam. ولكن هم يخرجون العصاة من المعصية إلى البدعة. Le cheikh dit, ils font sortir les pécheurs qui sont dans les bars et qui sont dans kada, à quoi? Vers l'innovation. والبدعة شر من المعصية. Et l'innovation est pire que le péché. والعاصي من أهل السنة خير من العابد من أهل البدعة. Le pécheur des gens de la sunna est meilleur que l'adorateur des gens de l'innovation. فليتنبه لذلك. Donc prenez conscience de cela. وما قلت هذا كراهية للخير الذي معهم إن كان فيهم خير. Le cheikh dit, attention, ce que je dis, ce n'est pas par méprise du bien qu'ils ont, parce que l'ibada elle est bien, mais al-naqd il est quoi dans al-manhaj, dans leur vision de l'islam, etc. C'est ça qui est mauvais. Mais le bien qu'ils ont, comme ta'abbud, comme kada, ça, le cheikh dit, je ne le réprouve pas. S'ils ont du bien, je ne réprouve pas le bien qu'ils ont. وإنما قلته كراهية للبدعة. Mais ce que je blâme, c'est leur innovation. فإن البدعة تذهب بالخير. Parce que l'innovation, elle fait fuir le bien, donc elle le fait enlever ou elle l'annule ou elle le fait disparaître. والبدع التي عند جماعة التبليغ قد ذكرها من صاحبهم ثم تاب من مصاحبتهم. Et les innovations qu'ils ont, les adeptes de ce groupe-là, التبليغ, les ont évoquées ceux qui étaient à leur compagnie. Puis se sont repentis et sont revenus sur leur idéologie. وَأُلِّفَتْ كُتُبٌ كَثِيرًا فِي التَّحْذِيرِ مِنْهُمْ وَبَيَانِ بِدَعِهِمْ. Et il y a nombre d'écrits qui ont été faits quant à la mise en garde sur ce groupe-là. Parmi les livres les plus connus, il y a le livre de Sheikh Hamoud Twijiri, rahimahullah, qui est mort au début du 15e siècle de l'Hijra. القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ يعني رسالة قيمة أحد طلبة العلم de Constantine qui s'appelle اقرأ حتى لا تزيغ مع جماعة التبليغ لي afin que tu ne t'égares pas avec جماعة التبليغ dans une série de كتيبات qui s'appelle Khada'ouk, ya sahib al-niyya al-tayyiba, shay min hada. Yani ils t'ont trompé, toi qui as une bonne intention. Écoutez, le Cheikh Nazar al-Jurbou' donne hindi, je crois que c'est un indien, il a écrit à In'am al-Hassan, celui qui était le responsable d'établir dans le monde entier, en Inde. Kutayib, il a repris différentes choses qu'ils ont chez eux, parmi eux les shirkiyat et tout ça, et il lui a envoyé, etc. Il y a pas mal d'écrits là-dessus. Il dit Cheikh wafaqahullah wa kawn al-Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rakhassa li ba'dihim fi da'wa fi al-mamlaka fi awwal al-amr liannahum lam yatabayyan lahu amruhum. Le fait que le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, c'est le grand-père de Cheikh Salih ibn Abdelaziz al-Cheikh, celui qui est ministre des Affaires religieuses maintenant. Mohammed ibn Ibrahim, c'est un des profs principaux de Cheikh Abdelaziz ibn Baz. Il a étudié chez lui 10 années, 1347 à 1357. Le Cheikh est un mufti al-Mamlaka, et il n'a jamais été dans l'Ajnad Daima. Pourquoi? Parce que l'Ajnad Daima, elle a été ouverte 2 ans après sa mort. Il est né en 1311, il est mort en 1389. Rahimahullah. Le fait qu'il a autorisé au début les adeptes de tablir dans le Mamlaka, dans le Mamlaka al-Arabie al-Saoudia, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas leur vision réelle. Lam yatabayyan lahu amruhum wa qad radda alayhim raddan baligan lamma tabayyana lahu amruhum. Et une fois que les choses se sont clarifiées, il a répliqué d'une manière très poussée. Raddan baligan, c'est une réplique qui ne laisse aucun doute ou aucune parole équivoque. Kama fi majmou'i fatawa. Comme dans son compilé de fatawa. Majmou'i fatawa, Cheikh Mohammed Ibrahim. Le mujallad l'awwal, safhat 227. Qala wa qad ishtarata alayhim al-da'wa ila al-tawhid, falam yafu bihada al-shart. Il leur a dit, si vous voulez prêcher, vous devez prêcher à l'unicité. Et lam yafu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté cette condition. Le wafa bihad al-ahd, le wafa bihad al-shart. Cette condition-là, ils ne l'ont pas respectée. Wa kadhalika comme le Cheikh Ibn Baz athna alayhim fi awwal al-amr li'annahu lam yatabayyan عندكم ضمه على النون oui. اي خطا والسكون لم من ادوات الجزم لم يتبين له امرهم ايضا الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى سي باغي Ce qu'il a évoqué au début, c'est qu'il n'avait pas cerné le sujet et qui était réellement cette fraction. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُمْ تَرَاجَعَ عَنْ ذَلِكَ. Et lorsque les choses se sont clarifiées, il est revenu sur ses paroles. Et c'est ce que nous a dit Cheikh Mufti, Cheikh Abdelaziz al-Cheikh, en l'an 2099 peut-être, ou 2000 ou le 2001, on a un coup de téléphone, un autre frère, parce que les tablirs ici de Mulhouse, ils distribuaient des fatwas de Cheikh Ibn Baz sur le fait que Jama'at tablir, ils sont bien, ou kada, ou kada. On était un peu perturbés par rapport à ça. Atna al-Sheikh, rahimahullah, le Cheikh Abdelazma al-Sheikh, il nous a dit ce que Cheikh Fawzan dit ici. Taraja an hada. Le Cheikh nous a dit taraja an hada, Cheikh Ibn Baz. Il nous a dit Jama'at tablir jahala. Il nous a dit ce sont des ignorants, ce sont des gens qui ne sont pas aptes à prêcher. Donc quand il a vu la vérité, il est revenu sur ses paroles. وَقَالَ لَا يَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَّا مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَدْعُوَهُمْ إِلَى الْحَقِّ وَالتَّوْحِيدِ. Et il a dit, rahimahullah, Cheikh Ibn Baz, il a dit, ne sort avec eux que celui qui veut leur apprendre la vérité et l'unicité. وَيُنْكِرَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَالَفَةِ. Et il blâme, il réprouve ce qu'ils ont comme mukhalafa, comme chose fausse. Et Cheikh Rabi al-Madkhali, sur cette fatwa du ta'liq, il dit Ana ahtarimu Cheikh Ibn Baz, il dit je respecte Cheikh Ibn Baz, mais même celui qui veut sortir avec eux pour da'wa ila tawhid ou kada, la yakhruj ma'ahum. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas. Si tu sors de leur nidam, ils te virent. Si tu sors de leur nidam, Hayat al-Sahaba al-Kandahlawi, Kitab Riyad Salihin, Al-Hafid al-Imam al-Nawawi, ce qu'ils ont yani comme barnamaj, ils te virent. Ou ils ne veulent pas que tu leur introduises le tawhid ou bien d'autres choses qui ne font pas partie de leur manhajiyya. هكذا قال رحمه الله c'est ainsi qu'a dit Cheikh Ibn Baz مع ان صاحب البدعه لا يقبل الدعوه ici Cheikh Fawzan dit la même chose il dit sachant que l'innovateur n'accepte pas le prêche وكذا صاحب المنهج لا يتراجع عن منهجه الذي بايع عليه شيوخه et c'est ainsi que celui qui suit une méthodologie il ne reviendra pas sur sa méthodologie sur laquelle il a porté allégeance aux gens qui sont plus gradés que lui جماعه تبليغ طبقات il y a des طبقات il y a des niveaux Il y a des shuyukh, il y a des degrés, etc. Donc ceux qui font pacte d'allégeance de suivre cette façon et tout ça, etc., il ne va pas revenir dessus suite à un conseil de quelqu'un. قال فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. Tu peux lire le مقطع هذا؟ Car je suis certain que tu vas changer de chemin et tu périras alors avec lui. هذه هي النتيجة إذا مشيت معه جلسته وراقت لك حاله. C'est ainsi que va être le résultat, natija. Si tu marches avec lui, jalastahu, tu t'assois avec lui, tu l'accompagnes. On a dit que le mujala, ça c'est pas forcément le fait de s'asseoir avec lui, mais le fait de rester en sa compagnie. Waraqat laka haluh, raqat yani u'jibta bihalih. Raqat laka haluh, c'est que tu as été étonné dans le bon sens de comment ils sont. Dans le bon sens, c'est-à-dire que tu vas considérer qu'ils sont bien au cadin. Fa innahu tasri 'alayka bid'atuh fa tastasiraha fa tahlaka ma'a. Tasri, donc c'est ce qu'on a dit avant, min as-sarayan, c'est que cette bid'ah là, elle va s'appliquer sur toi. Avant elle était sur lui, maintenant que tu es en sa compagnie et tu considères que leur vision elle est bien, que leur agissement ils sont bien, tu vas être dans le même sac. Fa tastasiraha yani taraha sa'ira. C'est comme dans le khilaf as-sa'ir, les ulama quand ils disent on a un khilaf sa'ir dans le khilaf tadad. Khilaf ala arba'at anwa', il y a quatre sortes de khilaf. Il y a une des sortes de khilaf qui s'appelle khilaf tadad, un khilaf d'opposition. Mathalan, sur une chose, il y a des savants qui vont dire c'est sunna, d'autres vont dire c'est bid'a. Ça c'est un khilaf tadad. Tu peux pas réunir les deux paroles, soit c'est sunna, soit c'est bid'a. Il y a un khilaf qui est sa'ir. Il y a des choses sur lesquelles les textes ils te laissent croire ça ou ils te laissent croire ça. Hada khilaf sa'ir yani, c'est un khilaf qui est accepté. Khilaf ma'a rafida, il est pas accepté. Khilaf bayn ahl sunna sur certains points, c'est un khilaf qui est accepté. Donc il dit fatastasiraha fatahlaka ma'ah. Tu vas faire les innovations comme eux, cette innovation elle va s'appliquer sur toi. Tu vas la considérer comme quelque chose de sa'ir, cette innovation. Ouais, il fait telle chose, c'est bien. Moi je fais telle chose, c'est bien. Fatahlaka ma'ah, tu vas être voué à la perdition comme lui. Takun mubtadi'an. Tu vas être innovateur. Fal khatar shadid min al mubtadi'a wa ma aktharuhum. Et هذا الزمان. Il y a une faute de frappe. Parce que si tu dis وَمَا أَكْثَرُهُمْ هَذَا سُؤَال مَا أَكْثَرُهُمْ tu dis مثلاً tu dis مَا أَكْثَرُ مَا يُؤْكَل. Ça c'est une question. C'est-à-dire tu dis c'est quoi qui est le plus mangé par exemple dans cette ville. أَمَّا مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْكَل avec une fatha, c'est par exemple, tu es étonné d'une chose, tu dis ma akthara ma yu'kal indakum kada ou kada. Tu dis yani comme c'est étonnant que cette chose-là les gens ils la mangent beaucoup dans votre ville. Donc ici c'est aktarahum fi hada az-zaman. Une fatha sur le ra, pas une dhamma. Donc il dit wa ma aktarahum fi hada az-zaman. Yani cheikh dit que les innovateurs ils sont en masse à notre époque. Lakin yajib an na'rifa ma hiya al-bid'a. Mais il faut savoir qu'est-ce que l'innovation. Lina ba'd an-nas kullu shay'in 'indahu bid'a. Parce que certaines personnes, chez lui, toute chose, c'est innovation. L'innovation, voilà, des paramètres bien précis qui la définissent. Donc il dit, si après vérification de Ahl al-Sha'n, les gens de science et de savoir, ils confirment que c'est bel et bien une innovation, ne reste pas en compagnie de ce type de personnes et ne les accompagne pas dans leurs actes, etc. قال المؤلف رحمه الله الإمام الإمام البربهاري رحمه الله a dit رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوان فقال يا بني من أين خرجت قال من عند عمرو بن عبيد قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى حب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان ولا أن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. Yusuf ibn Ubayd a vu son fils alors qu'il sortait de chez une personne de la passion. Yunus. Ah, c'est Yunus. Yunus, non. Et ça, je n'ai entendu que c'est son nom. Younes ibn Rabai a vu son fils alors qu'il sortait de chez une personne de la passion. Et il lui a dit, oh mon fils, d'où viens-tu? Il dit, je viens de chez Amr ibn Rabai. Il dit, oh mon fils, que je te vois sortir de la maison de Khumta est préférable pour moi que de te voir sortir de la maison d'un tel et d'un tel. Et que tu rencontres Allah en étant fornicateur, pervers, voleur et traître, mais préférable à ce que tu le rencontres avec dans ta bouche les paroles des gens de la passion. N'as-tu pas vu comme Younes ibn Ubay a su que les péchés de Al-Khunta n'allaient pas égarer son fils de la droiture dans sa religion, alors que l'adepte de la passion allait l'égarer jusqu'à l'emmener à la mécréance? الشرح explication قوله رأى يونس بن عبيد ابنه قد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين خرجت قال من عند عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد هو شيخ المعتزلة عمرو بن عبيد parmi les grands معتزلة les grands adeptes les grands مشايخ les grands علماء de المعتزلة قال يا بني لأن أراك خرجت من عند خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان. الكلمة هذه ليست واضحة خنثى وفي بعض النسخ من بيت وش قال هيتين كذا فهي غير واضحة أيضا الشيخ دي سمولا خنثى اتمو كني باكلير سمولا خنثى اتمو كني باكلير والشيخ النجمي كذلك dans son شرح il dit راجعت المطولات c'est-à-dire il a fait une recherche très poussée sur ce mot-là. Il dit il a rien trouvé si ce n'est un ijtihad qu'il a fait, qu'il a cité, pour regarder dans son livre, il est traduit en français sur le sens du mot khunta, mais il a dit هذا ijtihad minni, il a dit c'est un effort que je fournis moi, il n'y a rien de clair, si quelqu'un trouve autre chose, il n'est pas mulzam bi kalami. Donc الشيخ الفوزان أيضا il dit كلمة غير واضحة لكن المقصود أنك لا تجالس أهل البدع. Il dit ce qui est voulu, qui est sous-entendu, même si on ne sait pas c'est quoi exactement le mot khunta, ne reste pas avec les innovateurs. فَلَوْ أَنَّكَ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِ السُنَّةِ وَلَكِنَّهُ عَاصٍ هَذَا أَسْهَلْ مِنْ أَنْ تَجْلِسَ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةِ. Tu sors de chez un adepte de la sunna, mais c'est un pêcheur, ou تَلَبِّسْ بِبَعْضَ الْمَعَاصِ, c'est préférable, c'est plus simple, c'est moins grave que d'être en compagnie d'un innovateur. هَذَا مَا حَذَّرَ مِنْهُ يُونُسْ وَلَدَهُ. Ça c'est ce à propos de quoi mis en garde Younes ibn Ubayd son fils. لأنه جلس إلى عمر بن عبيد رأس المعتزلة فكونه يجلس عند مسلم صاحب السنة ولو كان عنده نقص في دينه فإن هذا أسهل وأخف ضررا من مجالسته للمبتدع. Donc le fait qu'il reste compagnie ou près d'un musulman, un adepte de la sunna, mais il a des faiblesses, il a des amoindrissements, il a des péchés, kada, c'est moins grave et il y aura moins de répercussions. Akhafu dararan, du fait qu'il s'assoit chez un innovateur. Wa min babi awla at-ta'allum, d'une manière plus évidente, quant au fait d'apprendre. La tata'allam min ahli al-ahwa wal-bida' al-muhdathat. N'apprends pas, ne t'instruis pas auprès des gens de l'innovation. Ta'allam ala ahli sunnah. Apprends chez les adeptes de la sunna, ala ulama et ahli sunna, chez les ulama de la sunna, ulama et l'aqid al-sahiha, comme a dit Muhammad ibn Sirin, rahimahullahu ta'ala, inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Comme l'a dit l'imam Abu Bakr Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, parmi les grands tabi'in, il est mort la même année que le Hassan, en l'an 110 de l'Hijra. Inna hadha al-ilma din, cette science est une religion. فانظروا عمن تأخذون دينكم. Regardez donc de qui vous prenez cette religion. هذا مروي في صحيح مسلم في مقدمة dans le préface de l'imam recueil de l'imam Muslim. Il l'a cité aussi dans le recueil de Muslim. Mais dans le préface, il est cité, il a pas cité cette parole. فإذا كان مجرد المجالسة فيها هذا الخطر كيف بالتعلم على المبتدعة. Si juste le fait de rester en leur compagnie, c'est très dangereux pour toi. Alors qu'est-ce qu'on va dire quant au fait de d'aller s'instruire chez eux. قوله قول المؤلف رحمه الله وهو قول يونس بن عبيد ولا أن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. et que tu rencontres Allah en étant fornicateur, pervers, voleur et traître, mais préférable à ce que tu le rencontres avec dans la bouche les paroles des gens de la passion. يقول لابنه كونك تموت عاصيا. Il a dit à son fils Younes ibn Abi رحمه الله. Il dit tu meurs pécheur, مرتكبا لكبيرة, auteur d'un grand péché, دون الشرك, moindre que le shirk, parce que le shirk الأكبر مخرج من الملة, ça fait sortir de l'islam. فأنت ترجو الرحمة. Dans ce cas-là, tu seras quand même espérant la miséricorde d'Allah et son pardon. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Il pardonne en dessous de cela à qui il veut. Sourate An-Nisa, verset 48. وحتى لو عذب صاحب الكبيرة في النار فإنما آله للجنة. Même si l'auteur du grand péché, Allah ne lui pardonne pas, il sera châtié en enfer pendant une durée. حَتَّى يُطَهَّرْ, pour qu'il soit purifié. Ensuite, مَعَالَهُ إِلَى الْجَنَّةِ. Ensuite, sa destination sera le paradis. وَلَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ. Et il ne sera pas en enfer éternellement. Telle est la conviction de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. أَمَّا صَاحِبُ الْبِدْعَةِ فَإِنَّهُ قَدْ تَجُرُّهُ بِدْعَتُهُ إِلَى الْكُفْرِ. فَيَكُونُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ. L'adepte de l'innovation, son innovation va la tirer vers la mécréance. Et il sera parmi les adeptes de l'enfer éternellement. لِأَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ. Parce qu'il a introduit dans la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie. وَالْعَاصِي لَمْ يَقُلْ إِنَّ مَعْصِيَتَهُ دِينٌ. Tu ne trouveras aucun pécheur qui te dira que son péché est les religions. فَكَوْنُكَ تَمُوتُ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَوْ كَبِيرَةً دُونَ الشِّرْكِ أَخَفُّ مِنْ أَنْ تَمُوتَ عَلَى بِدْعَةٍ. Donc, le fait que tu meurs pécheur, même si c'est un grand péché, moindre que le shirk, c'est moins grave. Et ce sera plus léger à ton égard que le fait de mourir sur l'innovation. هذا الكلام واضح جدا. Ceci est très clair. قوله قول المؤلف رحمه الله أبو الحسن البربهاري قال ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. هذه حكاية كلها عن يونس بن عبيد. N'as-tu pas vu comme Younes ibn Ubayd a su que les péchés de Al-Khunta n'allaient pas égarer son fils de la droiture dans sa religion, alors que l'adepte de la passion allait l'égarer jusqu'à l'emmener à la mécréance. هذه هي الحكمة في كونه لا يجلس إلى المبتدع. Voici la sagesse quant au fait que il ne s'assoit pas avec les innovateurs. أما أن يجلس إلى صاحب السنة وإن كان ناقصا في دينه وإيمانه. Donc il dit quant au fait de rester en compagnie de l'adepte de la sunna, même s'il a des amoindrissements, des faiblesses dans son iman et dans sa religion, فَإِنَّ الضَّرَرَ الَّذِي يَحْصُلُ بِمُجَالَسَةِ الْمُبْتَدِعِ أَشَدْ إِنَّ الضَّرَرَ الَّذِي يَحْصُلُ بِمُجَالَسَةِ صَاحِبِ السُنَّةِ الْعَاصِي. Les répercussions, les séquelles que vont te laisser la compagnie d'un innovateur sont bien plus graves que les répercussions, les séquelles, s'il y en a, qui vont te toucher si tu restes avec un adepte de la sunna qui est pécheur. لِأَنَّ صَاحِبَ الْبِدْعَةِ يَدْعُوكَ إِلَى الْبِدْعَةِ وإلى مخالفة الكتاب والسنة. L'adepte de l'innovation, il t'appelle à l'innovation. Il t'appelle à contredire le Coran et la Sunna. أما العاصي فإنه لا يحذرك من الكتاب والسنة. Par contre, le pécheur, il sait bien qu'il est en tort, il ne va pas te mettre en garde quant au fait de suivre le Coran et la Sunna. لا يحذرك من اتباع السنة أبدا. ففيه فرق بين توحيد بين توجيه هذا وتوجيه هذا. Différence entre celui-ci et celui-là. غاية ما يكون أنه قد يحسن لك فعل المعصيه فقط. Vraiment, si vraiment il est habile, il va t'enjoliver cette innovation, ce péché là qu'il fait, te disant que c'est pas bien grave, kada kada. Amma innahu yuhadhiruka min as-sunnah fala. Quand on fait de te mettre en garde contre la sunna, il va pas le faire le pécheur. La yuhadhiruka min as-sunnah bal yahtarimu as-sunnah wa yu'azzimu as-sunnah bi khilaf al-mubtadi' fa innahu la yu'azzimu as-sunnah. Donc, répétition année de ce qu'il a dit avant. Comme quoi le pécheur respecte la religion, respecte la sunna et il la valorise, contrairement à l'innovateur qui va te valoriser son innovation. قال المؤلف رحمه الله تعالى محمد البربهاري واحذر ثم احذر اهل زمانك خاصة. Donc il dit نعم وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. Prends garde, et de nouveau prends garde aux gens de ton époque particulièrement, et observe bien avec qui tu t'assois, à qui tu tends l'oreille et à qui tu tiens compagnie. car l'humanité entière est proche de l'apostat, sauf celui qu'Allah a préservé de cela. الشرح قوله واحذر ثم احذر اهل زمانك خاصه لانه في وقت المؤلف البربهاري رحمه الله عظمت الفتنه جدا فيحذر من كل اهل زمان ظهر فيه الشر والاهواء والبدع. Donc il dit à l'époque de l'écrit de l'auteur on a dit le Barbahari mat sanat kam 329 l'auteur il est mort. Donc il dit Cheikh Al-Fawzan سلمه الله يدي ك الامام البربهاري رحمه الله son époque l'innovation elle a pris de l'ampleur عظمت الفتنه هو كان في العراق et il met en garde quant aux adeptes de chaque époque qui font apparaître le mal, qui font apparaître les passions, les innovations. فهو يحذر منها وهذا ليس خاصا بزمانه, ça c'est pas seulement à son époque, بل كل زمان تظهر فيه الشرور, à chaque époque il y a des nouveaux des nouvelles, il y a des mauvaises choses qui apparaissent, des nouvelles innovations, des nouvelles sectes, etc. تظهروا فيه الأهواء تظهروا فيه الدعوات الباطلة فإنه يشتد الحذر على المسلم فيأخذ حذره. Donc chaque époque il y a des nouvelles choses qui apparaissent, donc chaque époque il faut prendre garde et faire attention. قوله فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. Car l'humanité entière est proche de l'apostat, sauf celui qu'Allah a préservé de cela. هذا في وقته, ça c'est à son époque, rahimahullah, وأيضا هذا يتكرر, et ça se répète. فوقتنا هذا وما بعده والله أعلم أشد. الشيخ dit, Fawzan, il dit notre époque à nous, 14e, 15e siècle Hijri, c'est pire encore. C'est pire que l'époque de l'auteur, 3e, 4e siècle. لأن كل ما تأخر الزمان كثرت الفتن. Plus le calendrier monte, dans les chiffres, plus les fitan, les discordes, les zizanis, les problèmes, les innovations, les mauvaises choses, etc., elles prennent de l'ampleur. وَكَثُرَتِ الشُّرُورِ وَإِسْتُغْرِبَتِ السُنَّةُ وَقَلَّ الْمُتَمَسِّكُونَ بِهَا. Et la sunna, elle est prise comme étant gariba, elle est prise comme quelque chose d'étrange. وَقَلَّ الْمُتَمَسِّكُونَ بِهَا. Peu de gens s'y attachent réellement. فَالْخَطَرُ أَشَدُ. Donc le danger est bien plus grave. قال المؤلف غفر الله له وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المريسي وثمامة أو أبا هذيل أو هشاما الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة فإن هؤلاء كانوا على الردة وأترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. Ibn Abu Duad, Ibishr al-Marisi, et Soumama, ou encore Abu Hudayl, et Hisham al-Fouti, ou une personne parmi ceux qui les ont suivis prend garde à lui, car c'est un adepte de l'innovation. Ils se tiennent proches de l'apostasie, et délaissent de même cet homme qui les a mentionnés en bien, et tous ceux qui les mentionnent en bien. إذا رأيت الرجل يثني على أهل الشر وعلماء الضلال مثل هؤلاء الذين هم أفراخ الجهمية فعلم أنه فاسق وأنه فاسد وأنه ضال. Donc tu vois un homme qui fait les éloges des gens du mal, les savants de l'innovation, les savants de la perdition, les savants de la bid'a, comme ceux qu'il a cités et les suiveurs de al-Jahmiyya, sache que c'est un débauché, c'est quelqu'un qui est corrompu, c'est quelqu'un qui est égaré. لأنه لم يمدحهم إلا لأنه يحبهم ويسوّر طريقتهم. Il a fait leurs éloges, il les a complimentés, le madh, tout simplement parce qu'il les aime. وَيُسَوِّرُوا طَرِيقَتَهُمْ. C'est ce qu'on a parlé avant. سَوِّرُوا يَرَى أَنَّ طَرِيقَتَهُمْ سَائِرَ. Il considère que leur voix, la voix de l'i'tizal, mu'tazila, de l'asha'ira, de leur rafida, tout ça, il dit que c'est des voix qui sont bonnes, qui sont acceptables, qui sont justes. C'est ça, ma'ana yusawwir. وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَمْدَحُ أَهْلِ السُنَّةِ مِثْلَ الْإِمَامِ أَحْمَدْ وابن المبارك وكذلك يمدح علماء التابعين ومن جاء بعدهم فعلم أنه صاحب خير. Donc si tu vois quelqu'un faire les éloges des adeptes de la sunna comme l'imam Ahmed, l'imam Ahmed ibn Hanbal ou bien l'imam ibn al-Mubarak etc. qui fait les éloges des savants parmi les tabi'in et ceux qui sont venus après eux, sache que c'est quelqu'un de bien. أنه صاحب خير لأنه ما مدح أهل السنة إلا و illa wa huwa yuhibbu as-sunnata wa at-tamassuka biha. La fazila de la sunna, c'est qu'il aime la sunna et les gens qui s'y attachent. Wa hadha yu'tina darsan fi anna ba'd al-ikhwan aw ba'd talabat al-'ilm yuthni 'ala ba'd al-mubtadi'a aw ashab al-ahwa wa al-afkar al-munharifa. Donc il dit, et cela nous donne une bonne leçon, une darsan, sur le fait que certains parmi les frères, ou bien les étudiants en sciences, les gens qui étudient la religion, ils font les éloges de certains innovateurs, des adeptes de la passion, l'afkar, des gens qui ont des idéologies qui sont déviantes. Voilà, yanzuru ila afkarihim wa ila ittijahatihim. Il ne fait pas attention à leurs idéologies et à leur voie qu'ils ont entreprise. وَيَقَعُوا فِي أَهْلِ الْخَيْرِ يَقَعُوا فِي أَهْلِ الْخَيْرِ يعني يَتَنَقَّصُهُمْ يُحَذِّرْ مِنْهُمْ كَذَا. C'est ça, يقع, dans ce type de, comme dans l'athar al-ma'ruf, عن الرازي, قال علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر. La manière de reconnaître les innovateurs, الواقعة في أهل الأثر, c'est le fait qu'ils tombent sur les gens de la sunna. Ils parlent sur eux, ils les critiquent, ils font la médisance sur eux, كذا كذا. Donc il dit ويتنقص أهل الخير, quelqu'un qui parle mal sur les gens de bien. لأنه يسمع من أولئك تنقصا لهم ويصدقهم, parce qu'ils entendent des adeptes des innovations des paroles mauvaises sur les gens de la sunna et ils considèrent que c'est des paroles qui sont véridiques. فهذا خطر شديد, ceci est dangereux. إذا تنقص أهل الخير وأهل العلم وأهل السنة ومدح أهل الأفكار المنحرفة والتوجهات المنحرفة فهذا خطر شديد. Quelqu'un qui blâme les adeptes de la sunna et qui parlant bien sur les adeptes de l'innovation, ça c'est un grand danger. ولو لم يجالسهم, même s'ils restent pas en leur compagnie, فهذا مما يحذرنا مما وقع فيه كثير من الناس الآن. Ceci nous met en garde quant au fait que ce que font beaucoup de gens, beaucoup de gens à notre époque, yani maintenant. Ibn Abi Duad. قال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال أحمد ابن أبي دؤاد القاضي جهمي بغيض هلك سنة 40 و200. جهمي بغيض, c'est-à-dire que c'est un جهمي, quelqu'un qui détestait énormément أهل السنة كذا, et c'est lui un de ceux qui ont remonté المأمون et المعتصم pour torturer l'imam أحمد رحمه الله. هلك معناه مات. Je vous ai dit, مثلا, في علم الميراث, les ulama, ils utilisent beaucoup ce mot. هلك هالك عن كذا وكذا. Un homme est mort alors qu'il avait deux femmes, trois filles, quatre garçons, كذا. Comment ils décomposent l'héritage? Donc ils font des exercices à travers هلك هالك. هلك هالك. Un homme est mort et il avait ceci, cela. Comment on décompose son héritage? Donc هلك, il est mort. سنة 40 و200. En l'an 240. عليه من الله ما يستحق. الثاني, بشرا المريسي. بشرا المريسي قال الذهبي في ميزان الاعتدال رحمه الله قال بشر ابن غياث المريسي مبتدع ضال innovateur égaré لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة. Il ne faut rien rapporter de lui et la كرامة, يعني sans pitié. تفقه على أبي يوسف إلى étudier chez أبي يوسف. الله أعلم, أبو يوسف c'est صاحب الإمام أبو حنيفة. فبرع وأتقن علم الكلام. الله أعلم, c'est pas 100%. فبرع, برع, c'est-à-dire que il a été très ancré là-dedans. Il est apparu comme un modèle dans ce domaine. أتقن علم الكلام. Il a très bien maîtrisé la science de l'kalam, malgré que les savants disent علم الكلام جهل والجهل بعلم الكلام علم. Celui qui connaît علم الكلام, c'est de l'ignorance. Et celui qui ignore علم الكلام, c'est de la science. Contraire, يعني. Donc il dit, ثم جرد القول بخلق القرآن. Ensuite il a dit que le Coran il est créé. ونظر عليه. Et il s'est permis de faire des débats à ce sujet. ولم يدرك الجهم بن صفوان. إنما أخذ مقالته واحتج لها ودعا إليها. Il n'a pas pris cette bid'a chani'a de الجهم ابن صفوان, qu'il l'a pris de الجعد بن درهم. Mais il a pris cette parole là. Donc le Coran مخلوق. واحتج لها. Il a cherché des arguments qui sont en sa faveur, comme quoi le Coran est créé, et il a appelé les gens à ça. Wa hakka takfirahu an jama'a min al-a'imma. Nombre de savants ont cité qu'ils l'ont kaffaruh, yani. هما اللذان أشار على المأمون بتعذيب الإمام أحمد. دونك بشر المريسي هذا إيه أظنه بشر المريسي متوفى 218 باس سور 100% الإمام الذهبي لا باسيتي إيه. دونك ابن أبي دؤاد أون أدي لي موار 240 جوست أن بتي بو أفون الإمام أحمد أن أن أفون. C'est les deux qui ont qui ont dit al Ma'mun, Khalif al-Abbas al-Ma'mun, de torturer l'imam Ahmed et ceux qui étaient avec lui, tout ça pour qu'ils disent que aux gens que le Coran est bel et bien créé. Wa Thumama qala al-Dhahabi rahimahullah fi Mizan al-I'tidal qala ثمامة ابن أشرس أبو معن النميري البصري من كبار المعتزلة parmi les grosses têtes de المعتزلة ومن رؤوس الضلالة parmi les têtes de l'égarement حمك الله. هذا من قادة أهل الضلال. شيخ فوزان يدي هذا من قادة أهل الضلال. C'est également un adepte de l'innovation profond. أبو الهذيل العلاف il est connu sur ce nom là العلاف. أبو الهذيل قال البغدادي في الفرق بين الفرق أبو الهذيل محمد بن الهذيل المعروف بالعلاف كان مولى لعبد القيس وقد جرى على منهج أبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهم وفضائحه تترى تكفره فيها سائر الفرق سائر فرق الأمة من أصحابه في اعتزال ومن غيرهم. دونك سي également une tête de l'innovation من كبار المعتزلة parmi les grands معتزلة. وهشام الفوطي هشام الفوطي من المبتدعة إدي قال الحافظ بن حجر في لسان الميزان هشام بن عمرو الفوطي كان من أصحاب أبي الهذيل un compagnon de celui qui a précédé avant وكان داعيا إلى الاعتزال أنا il l'appelait à la conviction de المعتزلة. وانظر الفرق بين الفرق regarde dans le livre الفرق بين الفرق de الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قوله أو واحدا من أتباعهم. donc ça c'est des exemples بشر المريسي ثمامة ابن أبي دؤاد tout ça là il dit ou des gens similaires à eux أو واجدا من أتباع واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره إذا رأيت يثني على أهل الشر وأهل الانحراف فاحذر منه. tu vois quelqu'un qui fait les éloges de ce type de personnes ou des gens qui ont leur même idéologie ou bien des gens de l'innovation en général, prends garde à lui. قوله فإن هؤلاء كانوا على الردة. ils se tiennent proches de l'apostasie. أي بعضهم مرتد. certains d'entre eux sont apostats. وهم أئمة الجهمية والمعتزلة الذين تعمدوا مخالفة الكتاب والسنة des références de الجهمية et de المعتزلة qui ont suivi l'innovation et qui ont divergé de الكتاب والسنة. هؤلاء لا شك في كفرهم cela il n'y a pas de doute sur leur mécréance. أما المقلد منهم فيحكم عليه بالضلال par contre celui qui suivait qui l'imitait on considère comme étant égaré mais pas mécréant. Voilà, yuhkamu alayhi bil kufr hatta yubayyana lah. Car c'est seulement un suiveur, sans doute qu'il ne connaît pas la réalité des choses. Amma a'immatuhum wa du'atuhum fa hum ya'rifuna ma hum alayhi min ad-dhalal. Par contre, leurs références, leurs a'immah, leurs guides, etc., ceux qui prêchent à cela, cela-là, falidhalika hukima alayhim bir-ridda. Ils connaissent, ils savent ce sur quoi ils sont comme égarement, et malgré ça, ils restent têtus à ce sujet-là. On considère comme étant apostat. قوله ça c'est des بدع مكفرة معتزلة والجهمية. C'est pas vous un innovateur vous lui dites si tu restes sur ton innovation tu sors de l'islam. Il y a des tabaqat dans l'innovation. قوله واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير. Il délaisse de même cet homme qui les a mentionnés en bien. لا تغتر بمدح هذا الرجل الذي يثني عليهم ويمدحهم. يعني ne te laisse pas tromper par les éloges qu'ils font que cette personne là elle fait sur ces gens là. قد يكون في أهل الضلال خصال طيبة. Il se peut qu'il y ait des bonnes caractéristiques chez ces adeptes de l'innovation, etc. لكن انظر إلا ما عندهم من الضلال. Mais toi, tu ne dois pas regarder cela. Tu dois regarder le côté mauvais qu'ils ont, le côté d'innovation, etc. فلا تغتر بخصلة من خصال الخير. Une caractéristique parmi des caractéristiques de bien. Il ne faut pas que tu te laisses tromper par cela. وتغفل عن الخصال الكثيرة من الشر. Et tout le mal qu'ils ont, toutes les innovations, toutes les bid'a. Tu fermes les yeux dessus. وهذه أيضا حكمة عظيمة. Tout ça, c'est une grande sagesse. لأن بعض الناس يقول فلان عنده خير. Certains gens ils disent un tel il a du bien. ولو كان منحرفا même si c'est un adepte de la déviation de l'bid'a لا خير فيه il y a pas de bien chez lui كما ان صاحب السنه ولو كان عنده الشر قليل فالزمه لانه صاحب سنه tout comme que un adepte de la sunna s'il y a du mal en lui reste en sa compagnie car le mal il va être minime et moins grave que le mal qu'un innovateur et ça reste un adepte de la sunna قال المؤلف رحمه الله تعالى والمحنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وقوله لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته فتنظر فإن كان صاحب السنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته Et examiner et scruter les gens est une innovation en islam. Mais aujourd'hui, on examine les gens selon la sunna en raison de la parole. Certes, cette science est une religion. Alors regardez bien de qui vous prenez cette religion. Et la parole, n'acceptez pas les transmetteurs de hadith, sauf des gens desquels vous accepteriez son témoignage. Alors regardez si c'est un adepte de la sunna qui a de la connaissance et de la véracité. Écris de lui les hadiths qu'il a transmis. Sinon, s'il n'a pas ces qualités, قوله والمحنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن بالسنة الأصل في المسلم الخير وإحسان الظن به ما لم يظهر منه خلاف ذلك à la base un musulman tu penses de lui le bien t'as une bonne pensée envers lui tant que tu ne vois pas quelque chose des indices des facteurs des actes des paroles qui te laissent croire le contraire هذه هي القاعدة voici la base la règle à suivre فالمؤلف يقول ما دام المسلم لم يظهر منه إلا الخير فإننا نقبل منه الخير musulman tant qu'on voit de lui le bien on accepte de lui ce bien حتى المنافق même l'innovateur حتى المنافق يعني أيضا المنافق même l'innovateur الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ظاهر المنافقين le messager صلى الله عليه وسلم a accepté ce que faisaient apparaître les hypocrites comme islam ou كذا ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى Et quant à leur aspect caché, il l'a laissé à Allah. Ma dama annahu lam yadhhar minhu shay'un fa anta tuhsinu adh-dhanna bihi. Donc il n'y a aucun élément qui te laisse penser autre chose, tu penses du bien de lui. Lakin idha dhahara minhu bughdun lis-sunnah wa li ahli as-sunnah fa hina idhin fahdharhu. Mais tu vois apparaître donc qui déteste la sunnah, qui déteste les adeptes de la sunnah, les ulama de la sunnah, etc. les références de la sunna, dans ce cas-là, حين إذن, à cet instant-là, احذره, prends garde à lui. هذا معنى قوله والمحنة في الإسلام بدعة. Voilà le sens de ces paroles, des paroles de l'auteur. والمحنة في الإسلام بدعة. Jigal, éprouver les gens. Examiner et scruter les gens. Voilà, examiner et scruter les gens en islam est une innovation. À propos de l'islam est une innovation. يعني أي مسلم لم يظهر منه سوء فلا تمتحنه. Musulman, dont tu n'as pas vu apparaître de mal, ne le mets pas à l'épreuve. وَأَمَّا الْيَوْمَ Ça c'est l'auteur qui parle, Barbahari, on a dit les morts 329, donc avant ça. أَيْ فِي وَقْتِهِ فَصَارَ يُمْتَحَنُ بِالسُنَّةِ À son époque, les gens étaient examinés à travers la sunna. لِيَنَّهُ كَتُرَتِ الْفِرَقُ الضَّالَّةِ الَّتِي تَدَّعِ الْإِسْلَامِ Parce que beaucoup de sectes étaient apparues prétendant l'islam. فَلَا بُدَّ يُعْرَفَ مَنْ هُوَ عَلَى السُنَّةِ وَلَا يُغْتَرَّ بِكَوْنِهِ يدعي الإسلام. Donc, fallait connaître qui est sur la sunna et ne pas se laisser tromper par ceux qui ne le sont pas et qui prétendent la sunna et l'islam. فالذي يحب أهل السنة هذا دليل على أنه من أهل الخير. Donc, celui qui aime les adeptes de la sunna, ça montre que c'est un adepte du bien. والذي يحب أهل البدعة هذا دليل على أنه من أهل الشر. Celui qui aime l'innovation, ça prouve que c'est quelqu'un du mal. قولوا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Certes, cette science est une religion. Alors regardez bien de qui vous prenez cette religion. التعلم يكون على أيدي علماء أهل السنة ولا يكون على أيدي علماء البدعة. L'apprentissage il se fait chez les savants de la sunna, pas chez les savants de l'innovation. قوله ولا تقبل الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. La parole n'acceptez pas les transmetteurs de hadith. Sauf des gens desquels vous accepteriez son témoignage. يعني لا تقبلوا من الرواة يعني لا تقبلوا من الرواة للحديث إلا من تقبلون شهادته عند القاضي. نكسبتي parmi les rouat, c'est les hommes. Les rapporteurs de hadith, n'acceptez des rapporteurs de hadith. La taqbalu min ar-ruwat lil hadith illa man taqbaluna shahadatahu 'inda al-qadi. Ceux à propos de qui vous acceptez le témoignage au tribunal, près du juge, acceptez de les rapports, les textes qu'il cite, les hadiths, etc. Liannahu qad kathura ad-du'afa fi ar-riwaya. Parce que il y a énormément de gens qui ne sont pas considérés comme étant acceptables dans leur récit, dans leur version, dans ce qu'ils répètent, etc., qui sont apparus. وَكَثُرَ الْكَذِبُ فِي الرِّوَايَةِ. Et il y a le mensonge a pris de l'ampleur dans les récits. هَذَا فِي حَقِّ مَنْ يَعْرِفُ عِلْمَ الْحَدِيثِ. C'est à propos des gens qui connaissent la science du hadith. أَمَّا مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَرْجَعُ إِلَى كُتُبِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ. Les gens qui ne connaissent pas ça, leur travail c'est de revenir aux livres qui sont qui traitent de la sunna et qui sont authentiques. قوله فتنظر فإن كان صاحب السنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته. Alors regarde, c'est un adepte de la sunna qui a de la connaissance et de la véracité. Écris de lui les hadiths qu'il transmet. هذا بيان لقوله إن هذا العلم دين. Ça c'est une clarification sur ce qu'il a dit avant. Cette science est une religion. Regardez yani de qui vous prenez votre religion. انظر في من تتعلم عليه وتروي عنه الحديث فإن رأيته صاحب السنة واستقامة فاكتب عنه الحديث واروه عنه. Donc il dit, regarde de qui tu prends et de qui tu rapportes dans la science du hadith. Si c'est un adepte de la sunna, quelqu'un de droit, écrit à son propos, il rapporte ce qu'il dit. فإن كان بخلاف ذلك فلا تأخذ عنه الحديث. S'il est Il n'est pas dans ce cadre-là, il n'est pas de cette manière-là, ne rapporte pas de lui. Parce qu'il y a des gens qui rapportent des choses qu'ils attribuent au messager alors que c'est des menteurs. Et al-wadda'in min al-wada', yani ashab al-hadith al-mawdu'a. Ceux qui, al-wadda'in, c'est al-kadhabin. C'est ceux qui citent des choses qui sont mensongères sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ils sont nombreux. هذا من حيث رواية الحديث بسنده. À propos des hadiths qui sont cités avec leur chaîne de rapporteur, un tel rapport d'un tel, rapport d'un tel, كذا. أما من حيث نقل الحديث فرجع إلى كتب السنة الصحيحة. Quant au fait de rapporter les hadiths, revient quelqu'un qui n'a pas la connaissance dans ce domaine, comme nous par exemple, il revient aux livres qui traitent de la sunna qui sont authentiques. وانتهى الموضوع. On fait encore ce passage, inshallah, on arrive. قال المؤلف رحمه الله وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. Et si tu cherches la rectitude sur le chemin de la vérité et le chemin qu'ont emprunté les gens de la sunna avant toi, prends garde à la philosophie et ses défenseurs, adeptes du débat, de l'opinion, de l'analogie et de la polémique au sujet de la religion. Car leur prêter l'oreille, même si tu n'acceptes pas et n'agrées pas leurs paroles, va faire venir le doute dans ton cœur. Et il te suffira ensuite d'accepter ce doute pour t'emmener à la perdition. Ce ne fut pas de l'hérésie, ni de l'innovation, ni de la passion, ni de l'égarement, avant qu'il y ait tous ces débats, ces opinions et ces analogies, et cela a ouvert les portes de toutes les innovations, des doutes et de l'hérésie. Qala rahimahullah, min fitani, ahli al-dhalal, annahum jalabu ilm al-kalam, wal-jadal wa ilm al-mantiq. Donc parmi les zizaniers qu'ont semé les adeptes de l'innovation, c'est qu'ils ont rapporté, Jalabou, le Jalb, c'est le fait de tirer, on va dire de ramener, rapporter, donc la science de le kalam, de le jadal, wa ilm al-mantiq. Comment ils ont traduit tout ça? Mantiq, il n'y a pas dans le texte, non? Ils ont dit la philosophie, l'opinion, l'analogie et la polémique. Wa ja'alouhumu huwa al-adilla wal-barahin, allati ya'tamidun alayha fi aqidatihim. Ils ont considéré ça comme étant les preuves. Et Adil al-Barahin et les arguments indéniables sur lequel ils se basent dans leurs convictions. وَتَرَكُوا الْكِتَابَ وَالسُنَّةِ Ils ont délaissé le Coran et la Sunna. لِأَنَّهَا لَا تُفِيدُ الْيَقِينَ عِنْدَهُمْ Parce que pour eux, les preuves qu'il y a dans le Coran et la Sunna ne sont pas, ne montrent pas une certitude. وَأَدِلَّةُ الْمَنْطِقُ وَعِلْمَ الْكَلَامِ عِنْدَهُمْ أَدِلَّةٌ يَقِينِيَّ وَبَرَاهِينَ قَطْعِيَّ Et pour eux, les preuves de la logique et ce qu'on a cité avant, عِلْمَ الْكَلَامِ et tout ça, c'est des preuves qui sont certaines et des arguments qui sont sûrs. فَبِذَلِكَ دَخَلَ الشَّرُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ طَرِيقِ عُلَمَاءِ الْكَلَامِ وَالْجَدَلِ وَالْمَنْطِقِ C'est à travers ça que le mal s'est introduit auprès des musulmans, à travers cette science présumée. الَّذِينَ يَعْتَمِدُونَ عَلَى قَوَاعِدِ الْمَنْطِقِ وَعِلْمِ الْكَلَامِ وَيَجْعَلُونَهَا بَرَاهِينَ وَأَدِلَّةِ Et ils se basent sur ces règles-là, considérant que ce sont des preuves. وَلَا يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِأَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ بِزَعْمِهِمْ لَا يُفِيدَانِ الْيَقِينِ Parce que pour eux, ça ne prouve pas, ce n'est pas des arguments qui sont certains. لا يفيد اليقين لا يفيدان اليقين وأما هذه القواعد فهي تفيد اليقين عندهم ويسمونها البراهين. Pour eux, les arguments indéniables, c'est ça, علم الكلام, la logique, la pensée, tout ça. قوله والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين. L'opinion, l'analogie et la polémique au sujet de la religion. C'est-à-dire, prends garde al jidal, prends garde à المراء القياس مناظرة في الدين أمور الدين لا يجوز أن تجعل محلا للأخذ والرد والجدال وحرية الرأي كما يقولون Les sujets religieux ne sont pas un domaine on peut s'y introduire en débattant à tort et à travers الأخذ والرد بالجهل يعني toi tu dis ça et moi je dis ça et on discute et on débat حرية الرأي chacun il pense ce qu'il veut c'est pas comme ça que ça se passe وأن تخضع للصحف والجرائد Et des sujets religieux comme ça, qu'on expose aux sohuf, sohuf yani c'est les journaux, les magazines, al-jara'id, pluriel de jarida, c'est les journaux, et les langues, c'est-à-dire que la langue, elle parle de ça à tort et à travers. C'est un sujet qui est pris à la légère, chacun il en parle comme il veut. Il dit c'est pas comme ça que ça se passe. Ceci est interdit dans le domaine religieux. لأن أمور الدين تحترم ويقتصر فيها على ما دل عليه الكتاب والسنة ولا يصير فيها جدال أبدا. Il dit, sujets religieux, il faut les respecter. Il faut se limiter à ce sur quoi, ce qui est prouvé par le Coran et la Sunna. Et ce n'est pas un sujet où on débat à tort et à travers sans connaissance. هذه هي القاعدة والمنهج السليم. C'est ça la règle. Et c'est ça la voie de rectitude. وهذا مقتضى الإيمان. Et c'est ainsi qu'agit Al-Mu'min, digne de ce nom, et l'adepte de Al-Iman, Billahi wa Rasulih, croyant en Allah et au messager réellement, c'est ainsi qu'il agit. ولهذا قال جل وعلا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. Allah dit dans le Coran, surat 40, verset numéro 4, seuls ceux qui ont mécru discutent, yani à tort et à travers les versets d'Allah, que leurs activités dans le pays ne te trompent pas. Surat 40, verset 4. الذين يجادلون في القرآن هل هو كلام الله أو هو كلام البشر Parle à propos des paroles d'Allah, le Coran, est-ce que c'est les paroles d'Allah ou c'est les paroles d'un être humain هل يفيد اليقين أو لا أو لا يفيد اليقين أو إلى آخره Est-ce que c'est certain, c'est pas certain, etc. هذا من الجدال في آية الله عز وجل Ça rentre dans la discussion à tort et à travers. يعني كأنهم لا يثقون في آية الله يجادلون فيها Comme s'ils n'avaient pas confiance aux paroles d'Allah, aux versets qu'Allah a révélés, et il discute à tort et à travers à son sujet. « Ou ahadith rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, al-ma'soum, alladhi la yantiqu anil hawa. » Également pour les hadiths du messager, qui ne parle pas sous l'effet de la passion. « Ka'annaha mahallu shakkin wa akhdin wa rad. » Comme si c'était un sujet où l'opinion était ouverte, le débat était ouvert, les idéologies sont toutes possibles. « Wa umur din laysa fiha munadara, bel hiya umurun thabita. » يسلم لها وليس فيها شك حتى تطرح للبحث كما يقولون. Les points religieux sont des points qui sont clairs, qui sont raffermis, auxquels il faut se soumettre, et c'est pas des sujets de doute ou qu'on expose à cas et que chacun y donne son avis. قوله الأطهر رحمه الله دي فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب. Car leur prêter l'oreille, même si tu n'acceptes pas et n'agrées pas leurs paroles, va faire venir le doute dans ton cœur. يعني استماعك للجدال في أمور الدين من هؤلاء وإن لم تصدقهم. Écoutez ce type de discussion, même si tu n'y crois pas, tu ne déclares pas ça vrai, فإنه يؤثر على قلبك, ça fait effet sur ton cœur. وتتهاون فيها في المستقبل, et tu vas négliger ce domaine-là dans l'avenir. لأنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس كما يقولون. Comme il a été dit, هذه حكمة, إذا كثر الإمساس قل الإحساس. Plus يعني تمس الشيء, tu touches quelque chose, mais tu restes en compagnie des personnes, tu les accompagnes, قل الإحساس, même s'ils vont dire des choses énormes, pour toi ça va être banal. Pourquoi? Parce que comme certaines muharramat que vous voyez dehors, ou quelqu'un يمارس الشيء, plus il le fait, كذا, ça devient après pour lui طبيعة, ça devient quelque chose de naturel. إذا كثر الإمساس من المس قل الإحساس من الحس, tu ressens plus cette chose là. قبل أن تأتي هذه الفضائيات وما يدور فيها من الجدال في الدين والعقيدة. Avant que vienne الفضائيات, فضائيات الشان تلفزي للدش هذا بغابول سديسي لابل سال فضائيات سبال فضائيات فضائيات. Avant que vienne ces chaînes là, chaînes télévisées, les discussions, les débats وكذا في الدين والعقيدة, كان المسلمون في هذه البلاد على عقيدة سليمة. Les musulmans dans ce pays là, يعني بلادهم, ils étaient sur une عقيدة qui était bonne, sereine. وليس عندهم شكوك ولا أوهام. Ils n'avaient pas des doutes et des imaginaient des choses à tort et à travers. ولا أحد يتجرأ منهم أنه يتكلم في مسألة مسائل الدين. Et les gens n'osaient pas, n'avaient pas l'audace de parler sur un domaine parmi les domaines religieux. بل يرجعون فيها إلى علمائهم. Mais ils revenaient vers leurs savants. C'est les savants qui parlaient dans le domaine religieux. أما الآن فصارت أمور الدين محل الجدال والأخذ والرد. Mais maintenant, à notre époque, sujets religieux, c'est des sujets qui sont avilis, négligés. Chacun, il dit ce qu'il veut. Chacun, il débat comme il veut. Chacun, il dit et répond. وحريت الرأي كما يقولون. Il y a ce que les gens appellent la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Tu dis ce que tu veux, tu penses ce que tu veux. بسبب هذه الفضائيات الخبيثة. À cause, notamment de ces chaînes-là, des chaînes paraboles, tout ça là. فالأمر خطير جدا. Donc c'est dangereux. يقول قائلهم هذه المسألة فيها خلاف. مثلا, ils disent ce sujet-là, un sujet religieux, ils disent c'est un sujet de divergence. والعلماء يكتمون هذا عنا. Et les savants ne nous ont pas clarifié cela, ils n'ont pas dit. فهذا يقدح في نفوس الناس. Et ça, ça fait effet sur les gens. والعلماء يعلمون الخلاف. Les savants savent bien qu'il y a une divergence. ولكن لا يبينونه للناس, إنما يبينونه فيما بينهم. Ils en discutent entre eux parce qu'ils comprennent ces choses-là, mais pas avec la masse. ويبحثون فيما بينهم, لأنهم أهل لذلك. أما إنهم يذكرونه للناس وعلى المنابر وفي الإذاعة. Quand on fait dévoquer ça aux gens, à la masse, ou sur les chers, les chers pendant les khutab, les sermons, les doros, وفي الإذاعة, sur les fréquences radio, يقولون المسألة فيها خلاف, ce point-là est de divergence, وفيها أقوال, et il y a plusieurs paroles. هذا فيه تشكيك في الدين فلا يجوز. Ceci est un sujet qui va faire douter les gens dans le domaine religieux, donc ceci est interdit. قوله وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس. Ce ne fut pas de l'hérésie, ni de l'innovation, ni de la passion, ni de l'égarement avant qu'il y ait tous ces débats. قال لأنه يفتح المجال للناس للجدل في أمور الدين. Parce que ça ouvre la discussion aux gens, le débat dans le domaine religieux. On parlait à tort et à travers. والقياس يعني القياس الفاسد. القياس c'est-à-dire القياس الفاسد, l'analogie qui est fausse ou qui est mauvaise. أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلة. فالقياس ثلاثة أنواع. Il dit القياس, قياس qui est juste chez la majorité des savants, c'est un parmi les القرآن, la sunna, l'ijma, l'unanimité, et القياس chez la majorité des savants sauf chez Al-Zahiriya, comme Dawood Al-Zahiri, Ibn Hazm, tout ça, au moins ils n'utilisent pas. En tout cas, ils déclarent ne pas utiliser le qiyas, même si parfois ils le font sans s'en rendre compte. Fal qiyas, thalathatu anwa'. Al qiyas est de trois sortes. Al-awwal qiyas al-awla. Qiyas al-awla, c'est-à-dire l'analogie de ce qui prime. Al-awla, c'est ce qui est, vous allez comprendre avec l'exemple. Bien yuqal, tel que le fait de dire kullu kamal, la yastalzimu naqsan, fallahu ta'ala awla bih. Toute perfection que la créature est là et qui n'engendre pas un amoindrissement, une négligence, ou un défaut ou un handicap chez Allah, donc Allah il est plus en droit d'avoir cette perfection. C'est une règle. Toute perfection que la créature est là et que si tu l'attribues à Allah, ça n'engendre pas que c'est une faiblesse ou un handicap, Allah il est plus en droit de l'avoir. Comme il dit dans le Coran, il a la meilleure transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. L'exemple le plus élevé, si on peut dire ça. Surat al-Rum, surat 30, verset 27. Deuxième sorte, qiyas ou tamthil. L'analogie d'équivalence. Bien yuqal, sifatul khaliq, mithlu sifatil makhluq. De dire par exemple, les attributs d'Allah, le sam'u, le basar, le ilm, kada, le fait qu'Allah il a la vie, il a la science, il a la vue, il a l'ouïe, il a deux mains. C'est comme les attributs des créatures. Comme la créature, elle a l'ouïe, elle a kada kada. Kama taquluhu al-mumathila. Comme le disent ceux qui déclarent l'équivalence entre la créature et le créateur. Wahada batil. Ça, bien sûr, c'est complètement faux. Al-thalith, qiyas al-illa. Qiyas al-illa. C'est l'analogie de la cause. D'un point réunissant une chose avec une autre. Wahada min adillati usul al-fiqh. Et ça, c'est donc un sujet que vous trouvez dans le livre de Usul al-Fiqh. Yustamalu fil masail al-fiqhiyya. Qu'on utilise dans les points de jurisprudence. Wahada yaqulu bihi jumhur ahli al-ilm. Et ça, le site yani la majorité des savants. Qiyas al-illa. Donc c'est ilhaqu far'in bi aslin li'illa jami'atin baynahuma. Tu réunis, tu fais rejoindre quelque chose par rapport à une autre. À cause de deux choses qui la réunissent, comme par exemple les drogues qu'ils ont comparé avec l'alcool. L'alcool mansous alayh, il y a des textes qui interdisent l'alcool et qui montrent que yani, ça rend ivre et tout ça. Ils regardent les effets de la drogue sur le corps, etc. Et ils font une analogie pour le comparer avec ça. Dans cet exemple, c'est l'alcool. Non, c'est la drogue. C'est la drogue, oui. Ilhaqu far'in bi aslin li'illatin jami'atin baynahuma. D'où le cheikh dit qiyas al-illa. Ilhaqu far'in bi aslin li'illatin jami'atin baynahuma. D'où certains savants, des fois, ils rendent le qiyas, comme le cheikh Ibn Uthaymeen dans le Sharh al-Zad, des fois, il cite des paroles, et il dit, c'est un qiyas mardoud, parce que c'est une analogie. L'analogie qui a été faite, alors qu'il y a des différences. L'illa, ce n'est pas la même. Il y a des différences, donc on ne peut pas faire ressembler ça à ça. Vous trouvez dans tout le livre de Usul al-Fiqh, vous trouvez un chapitre sur le qiyas. Dans le Waraqat de Jouayni, Kitab Mandouma qu'a fait Cheikh Al-Uthaymeen en 102 ou 103 vers fait Usul al-Fiqh Mandouma de Cheikh Abdelrahman Saadi sur Tawad Fiqhiyya. Dans les livres de Usul al-Fiqh vous trouvez ça. Naqifain de Hada s'arrête là. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, vous demander quelque chose qu'on a fait là? Hein? Un de mes cheikhs de l'Inde, un indien, il lui a fait une lettre éprouvant ce qu'il y a chez Jama'at al-Tabligh. Et ce chef-là s'appelle Nazar al-Jarboa. Je crois que c'est un indien. Un indien ou pakistanais, mais plutôt un indien. Il a accepté, il lui a répondu, sauf sur Masail al-Tawhid, il lui a pas répondu. Risala ma'roufa, quand tu as dit, je l'ai perdu, je sais pas où elle est. Pakistanais, c'est un arabe. Non. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Saad al-Hussein, il était avec eux pendant des années et des années. Allah, voilà. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'écrits sur ça. Quelqu'un il veut vraiment savoir Jama'at al-Tabligh, c'est qui, c'est pas ça qui manque, hein, les écrits et le fatawa de ulama. Est-ce qu'il y a des écrits en français? Il y a un petit compilé, je crois, de fatawa, n'est-ce pas? Non, je sais pas, mais il y a des cours audio, beaucoup. Bouhmal Haitin, après, il a traduit. Sur son site. Il y a même Cheikh Abnak Ramadani, il a fait un charret, je crois. Un peu arabe, un peu français, comme ça. Sur Jama'at al-Tabligh. Il y a pas mal de choses. Et par exemple, le fait d'aller prier dans leur mosquée, si t'es à côté ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'il faut mieux éviter ou... Toujours les mashaykhs nous ont dit si vous pouvez aller prier, s'il y a une mosquée de sunna, il faut tabler yani, pour aller prier chez eux. Maintenant, si tu n'as pas le choix et tout ça, tu n'es pas blâmable. Mm. Tant que ce n'est pas une bid'a mukaffira, une bid'a qui se fait sortir de l'islam où tu ne pries pas derrière lui, tu vas prier chez eux. Mais si tu peux éviter, parce que juste le fait de agrandir leur nombre, c'est mauvais. Mm. Tu vois? Non. Allahu alam. Surtout le Jumu'ah, yani. Et des frères, ils se laissent aller sur le Jumu'ah au lieu d'aller dans, là où c'est, on va dire, acceptable ou moins pire. Tu vois, ils vont prier yani, dans des endroits où ils vont écouter des catastrophes et tout ça, ça c'est pas bien. Wallahu alam, sallallahu alayhi wa sallam, ala nabiyyina Muhammad, ala alihi wa sahbihi ajma'in.